faites du n'importe quoi. Allez, allez, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut à tous, c'est Eric et bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z, ici tous les mercredis, presque tous les mercredis, de 22h à minuit, ici sur RIG 90.7 de la bande FM, et sinon le RIGFM.fr pour l'écouter sur le net, et bien évidemment, dès demain ou après-demain, vous aurez droit au podcast. Le podcast, vous pourrez le trouver partout sur iTunes, sur Deezer, sur Google Podcast, sur plein de sites de podcasts pour retrouver cette émission Johnny de A à Z. Sinon, nous sommes aujourd'hui, donc le mercredi 13 décembre 2023, nous en sommes à la 531e émission de Johnny et... pour moi, oui, pas pour vous, mais pour moi, c'est le premier mercredi du mois. Donc, on va faire Johnny Hallyday en live. Exactement, Johnny Hallyday en live ce soir. Je vais vous présenter pratiquement toutes les chansons que Johnny, que des auteurs ont spécialement conçues et que Johnny a chanté pour un spectacle ou pour une tournée. Vous allez me dire, mais quel titre, qu'est-ce qu'il veut dire par exemple? Ah ben, si on pense à la tournée genre Le Survivant en 1982, il y avait du genre Le Grand Banquet, Fantasme, Je n'oublierai jamais, qui ont été spécialement conçus pour ce concert-là. Et qui n'ont pas été chantés après. Il y a eu une version studio après la version live, certes, mais elles ont été faites pour le spectacle. Voilà en gros ce que ça veut dire. Et bien, si on commençait tout de suite avec ce petit live, on va dire inédit en quelque sorte, on va commencer avec le Zénith de 1984 et le titre d'ouverture de ce fameux Zénith. Voici Point Cœur. Bonne écoute à toutes et à tous sur l'antenne de RIG. Voici Johnny de A à Z. la vraie version live de Point Cœur. J'en ai dit, où c'est le 84. On le retrouve tout de suite au Palais des Sports en 2006. Des mots entre quatre murs, oui, des mots qui tonnent à l'intérieur, et des secondes qui durent, oui, des heures. Pas l'humour, pas la culture, un ciel noir pour tout avenir, et des yeux qui ne savent pas mentir. Le cœur entre quatre tours, le parloir des prisons, et juste le pouvoir de dire non. Qui n'a jamais subi la loi du silence? Sourire, on apprend l'indifférence, on est à l'ombre de son existence. On a l'accès interdit, la peur dans les regards, les yeux qui changent, ou le trottoir. Titre La Loi du Silence, qui était un titre inédit pour ce concert du Flashback Tour en l'an 2006. Et là, Johnny l'avait interprété le soir de son anniversaire, le 15 juin 2006. Bonsoir tout le monde. Bien, je suis sacrément content d'être là ce soir avec vous. Parce que très honnêtement, fêter un anniversaire sans vous, c'est prendre un an de plus. Alors qu'avec vous, je prends toujours un an de moins. Comme tu regardes les étoiles dans la nuit, il est...

mon retour sur terre. Et comme au temps lointain des Romains, je veux qu'on dessine une table en pierre. Ce soir je veux qu'on fasse un festin. Je veux qu'on s'en mette à l'avance. Je veux qu'on bouge comme des pantons ailés. Je veux qu'on chante, je veux qu'on danse. Je veux la vie pour qu'on enquête. Les pontiers disent sur des feuilles, enroulent des tonneaux de vin bleu. Les hommes ont à sputer leur stylet pour le grand banquier. Les femmes de pile au lever du jour ont mélangé des potions d'amour avec les fruits du diable en secret pour le grand banquier. Les mains se tendent et les dents déchirent comme un combat, comme à la bataille. La graisse coule sur l'acier et le cuir. Ça crie, ça saoule, ça sue et ça braille. Je vais qu'on s'en mette à la tête. Y'a plus de roi, de loi, ni de gibet. Y'a qu'un seul Dieu, il s'appelle fait. Je vous invite pour qu'on enquête. Et le sentier cuise sur des feux, enroule des tonneaux de vin bleu. Les hommes ont affûté leur stylet pour le grand banquier. Les femmes de fille de levée du jour ont mélangé des potions d'amour avec les filles du diable en secret pour le grand banquier. Titre pour le prix d'un, hein, ouais, c'était le grand banquier et Fantasme. Voici la bagarre de 1962. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Et je n'aime pas beaucoup qu'on m'en remontre. J'avoue que la bagarre. Et vous y tenez. D'accord les gars, je vais vous soigner. Si c'est pas pour la bagarre, alors c'est pour mon fric. Vous tombez bien blague à part. Sur moi j'ai flé d'une brique. Mais avant il faudra passer par moi. Je vous prends un parrain. Ou bien tous les trois à la fois. N'avez pas peur. Ouais. Je dirais même que j'aime cogner. D'accord les gars, je vais vous soigner. Le titre suivant est extrait de Bercy 90, Honky Tonk Woman. Johnny en a chanté une interprétation française en 1974. Il a repris aussi donc en 90, mais la version de Rolling Stone. Et en 2006, il la reprendra également lors du Palais des Sports. Jane saw the ballroom queen in Memphis. Well, she tried to take me upstairs for the ride. Had to hit me right across her shoulder. I just can't seem to drink you of my mind. Divorcee in New York City. I had to put up some kind of a fight. The lady then she covered me in water. She blew my la version française. C'est une Honky Tonk sur l'album Rock and Slow en 1974. Oh, il fait chaud ce soir, il fait chaud. Oh. Vous

s'enfler. Demandez, voyez ce que je veux dire. Voyez ce que je veux dire. Elle sourit, elle ne dit rien. Elle ne parle qu'avec ses mains. Voyez ce que je veux dire. Voyez ce que je veux dire. Pas besoin de me demander pourquoi j'ai l'air si fatigué. Voyez ce que je veux dire. Voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire, ne figure que ce album du live au Palais des Sports 1971 et sortira en 2012 la version studio. Là, on retrouve une idée lors de la tournée 2012 avec Amy Keys et on reprendra ce titre également lors de la tournée Pardon Cœur Tour en 2013 avec Cy Smith. Voici I Who Have Nothing, un titre de Tom Jones. I Who Have Nothing. Just a no one with nothing to give you but I love you. She buys you diamonds. Ouais, ouais. Ça a été chanté par Tom Jones, par Shirley Bassey et également le groupe Status Quo. Et Tom Jones est la version anglaise principale, originale, et de Benny King. Mais il faut savoir que cette chanson est une chanson italienne à la base. Elle s'intitule Uno dei Tanti et elle a été chantée par Joey Santieri en 1961. Anthony Jones a aidé à l'Olympia en 1965 lors d'un Musicorama le 11 novembre 1965 avec ce titre I Got Money. When I got your love and I'll be the happy one. Let me tell you, I got money. No more money will I need. Yeah, I got money, pretty baby. No more money will I need. Yes, when I got your love and I'll be the happy one. Let me tell you. Tapez dans vos mains. I got money. No more money will I need. Yeah, I got money. Pretty, pretty, pretty baby. No more money will I need. Yeah, well I got your love and I'll be the happy one. Come on, come on. I'm gonna need your love, pretty, pretty, pretty baby girl. Azed à l'Olympia 1965 avec I've Got Money. À présent, on va parler d'une chanson qui est sortie tout récemment sur l'album symphonique Johnny Hallyday, on va dire l'acte 3 en quelque sorte, avec 4 titres inédits. Grave-moi le cœur, qu'est-ce que nous avons Gabriel, qu'est-ce qu'ils avaient donc, j'ai carrément oublié. Derrière l'amour, il y avait aussi. Voilà. On va parler de la chanson Grave-moi le cœur, qui à la base était l'adaptation par Jean Foc de la chanson Love Me Tender. Et Johnny, en répétant tout ça, il s'est dit non, je l'aime pas. En fait de compte, je préfère chanter la version originale. Et puis déjà, comme ça, tout le monde va de suite la reconnaître. Et bien là, qu'est-ce qu'on va faire un peu? On va écouter cette chanson qui n'a été chantée nulle part ailleurs qu'en répétition par Johnny Hallyday. Voici Grave-moi le cœur, qui a été édité depuis le 1er décembre 2023 par Universal. Avant toi, des filles dans mes nuits, toujours à l'affût fini, je te rends mes armes. Qu'un homme sans âme. Regarde, je n'ai plus de l'âme. Je t'offre mes larmes. Grave-moi le cœur. Lance-moi des flèches de douceur, et comme un oiseau blessé, et mourir à tes pieds, et grave-moi. Version de Johnny Symphonique, on retrouve donc cette chanson Grave-moi le cœur, écrite par Jean Foc. Derrière l'amour, Gabriel avec la participation de Greg Slapp, J'ai oublié de vivre, et évidemment le Symphonique Tour avec Allumer le feu, la version Allumer le feu, ouais, d'accord. Et puis on peut dire aussi que le Symphonique, il y aura la participation de Greg Slapp pour la prochaine tournée. Donc ça, c'est, déjà, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait Greg Slapp. Voilà, ça va relever un peu plus le niveau, on va dire, voilà, moi je suis comme ça. Je dis des choses telles que je le sens. On continue continue toujours dans l'émission Johnny de A à Z avec les titres conçus pour tel ou tel spectacle et qui n'ont pas été chantés ailleurs. C'est le cas pour le prochain titre qui figure parmi, il devait y avoir à la base 9 titres inédits dans ce show. Alors, je parle du show du Pavillon de Paris, Porte de Pantin en 1979. Sur ces 9, on n'en connaît que 5. On connaît L'Ange aux yeux de laser, Comme le soleil, Moi je t'aime, Ma gueule et La fin du voyage. Ma gueule et La fin du voyage sont sortis après en 45 tours. Les autres, quoique Comme le soleil est sorti en face B de Ma gueule, voilà, hein, mais en version live, mais pas en version studio. Et il devait y avoir 4 autres titres qui devaient figurer. Alors ces chansons-là, on ne sait pas d'où elles sortent et si elles ont vraiment été chantées, mais en tout cas, elles ont été écrites et composées par des auteurs. Nous avions la chanson Rangée 17, Fauteuil 6B, d'une musique de Jean Renard et de paroles de Pierre Billon. La chanson À toi l'amour, à moi la haine, avec des paroles de Georges Terme. Pour qui tu joues, musique de Jean Renard et des paroles de Gilles Thibault. Et la chanson Condamné, musique par Jean Renard et des paroles de Gilles Thibault. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse sur ces titres-là. Est-ce qu'ils ont été chantés en répétition? Est-ce que Johnny a fait quelque chose avec? On ne sait pas. Eh bien, en tout cas, on va se contenter de la prochaine chanson qui s'intitule Moi je t'aime. Johnny a aidé en 1979, Pavillon de Paris.

chance, Sylvie. Il est 1h21. Merci aux journalistes d'avoir attendu. Non, ici il est 23h06 ici sur l'antenne de RIG. Et on espère prochainement retrouver ce concert de Béziers le 12 août 1978 dans la collection Archive Live. Oui, vous pouvez compter sur moi. Ouais, vous pouvez compter sur moi. Ah, on est où là? On est où? Nous sommes au Zénith. Johnny qui reprend une chanson de You Elewis and the News, Hard of Rock and Roll, spécialement pour ce concert du Zénith, pour cette tournée du Zénith. Voici le cœur du rock'n'roll. Et en vrai live aux élites. Dans ma musique, des coups au cœur comme un intent final. Le Le cœur de rock'n'roll sorti du Zénith. On retourne au Palais des Sports en 1982 avec ce titre de Nicolas Perra qui écrit pour Johnny pour ce spectacle Le Survivant. Voici Je n'oublierai jamais. Jamais. Non. On continue dans ce live avec des titres spécialement conçus ou spécialement uniquement chantés pour ces concerts-là, comme le titre suivant, Que restera-t-il ? C'était John Hallyday au Parc des Princes en 2003. C'est une chanson des Creedence Clearwater Revival, Around the Bend, et traduit et interprété, adapté en français par Philippe Labro. Non, non, c'est pas des Philippe Labro les paroles, c'est de Michel Mallory. Chaque fois, je confonds sur ce titre-là. Ça, par contre, le prochain titre, on sait de qui il est. Il est de Jacques Brel. Voici John Hallyday au Zénith en 1984. Cette chanson, j'aimerais la chanter simplement en hommage à celui qui l'a créée. Et à celui qui restera toujours dans mon cœur comme le meilleur interprète de Ne me quitte pas, il faut oublier, tout est oublié, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus. Et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie, un inepais où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour t'ouvrir ta bouche.

sans idéal et sans joie, m'ennuie. D'un lac, sur mon vieux bateau qui craque, j'attends, oh j'attends, la brise du devenir et le souffle du désir, le vent. Sur l'océan, sur ma flaque, j'attends. Que les hommes me passent ma peur, que renaisse en moi mon cœur d'enfant. Des chansons inédites comme celle-ci, comme ce blues, Seul au beau milieu de lac. Et puis des fois des chansons que Johnny intégrait comme ça, de temps en temps, de, en plein milieu du spectacle. Comme celle qu'il présente maintenant. De Elvis. Chanson qu'il avait enregistrée en 1956 sur le label Sun Records à Memphis, Tennessee. Eh oui. Et cette chanson s'appelle I'm Left, Your Watch Is Gone. Yeah. care for me. When I thought I knew just what she knew, I guess I loved too far. But you tried to tell me all along, she only break my heart. Well, right and left, she's gone. Who's that?

perdu. L'ancheuse de laser du Pavillon Paris Porte de Pantin, titre inédit pour ce spectacle. Voici aussi un petit titre que Johnny a intégré lors de son show. Ce n'est pas un titre inédit. Et Jefferson and Blaine, non, non, non. Voici Give Me Some Lovin'. ce soir, je dis des bêtises à l'appel. C'était le Give Me Some Loving du Spencer Davis Group, bien sûr. Là, par contre, je vais pas me tromper. Ceci est une reprise, Jenny Take a Ride, du groupe Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Voilà, que Johnny a repris lors du Fréjus 1966. Ha ha ha. Pour la filandre, pour la filandre. Je veux vous entendre taper dans vos mains. Je veux vous entendre taper dans vos mains. Ouais. Tout le monde avec moi. Oh yeah. Voilà, c'est le rein. Voilà, c'est le rein. Voilà, c'est le rein. Jenny, Jenny, won't you come along with me? Jenny, Jenny, Jenny, won't you come along with me? Come along, baby, how'd you like to be in love? Well, Jenny, Jenny, Jenny, won't you come along with me? Jenny, Jenny, Jenny, won't you come along with me? Come along, baby, how'd you like to be in love? Well, let's go now. Jenny, Jenny, Jenny, won't you come along with me? Qui va enchaîner de suite avec le titre Johnny B. Good, mais on l'écoutera pas. On va écouter bientôt un titre de, qui date de 1972, mais que Johnny aura repris plusieurs fois en 1974, en 1995 lors du Lorada Tour, en 2013, oui, au Trianon par exemple, en 2014 lors de sa tournée américaine et aussi en 2017 avec les Vieilles Canailles. Mais il n'existe que des versions live de ce titre. Maintenant, je veux vous entendre taper dans vos mains, maintenant. Johnny de AZ, la 531e émission avec le live du mois de décembre. Et aujourd'hui, je vous propose tous les titres, ou presque tous les titres, spécialement conçus pour des spectacles ou à la rigueur des titres que Johnny a chanté lors d'une tournée ou d'un seul spectacle. Voilà, et qui ne sont jamais parus sur un 45 tours. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette émission, d'avoir écouté cette émission, et puis merci encore pour votre présence chaque mercredi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année 2023. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit. À bientôt, tous et à tous. Ciao, ciao.